C'est un fait, vos réanimateurs sont instables, du moins mentalement. Mais étant donné que seulement après une émission, suite au retour de vacances, nous nous sommes absentés la semaine dernière, nous sommes donc aussi instables physiquement dans le temps. Mais afin de se faire pardonner de vous avoir déstabilisé mentalement par notre absence qui causa cette carence métalliquement temporelle, nous vous présenterons ce soir un album attendu par plusieurs depuis pratiquement 12 ans, soit la nouvelle parution de la mythique formation Gorgots. Et ça, ça risque fort de vous rendre instable à tous les niveaux. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant qui soignent des patients qui sont théoriquement dérangés mais qui, comparativement à ses patients, paraissent fous alliés. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated. Cause Pendragon said so. Go! Oh! Fuck! Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 27 août de l'an de disgrâce 2013. Je suis le Dr. Payne Pendragon et le truc vert boutonneux dégoulinant de substances nauséabondes, c'est Sinistros. Eh bien oui, j'ai verdi durant... Tu es plein de chlorophylle. Oui, ben, j'ai pris un peu de couleur pour... enrayer la grisaille de mon être habituel. Ça fait tout un mélange fort sympathique, mon cher. En fait, je te félicite parce que tu as surpassé le dégoûtement. Oui, c'est cool. Hein? Oui, absolument. Tu t'es bien impliqué pour une fois. Comment vas-tu? Ben, dégoulinant. Ben oui, de propreté. Oui. Oui, pour un gobelin, évidemment. Eh bien oui, effectivement, c'était un drôle de retour il y a deux semaines parce que nous devions quitter la semaine dernière parce qu'il y a eu de nombreux travaux qui ont été faits dans la régie de la morgue et c'est fort profitable, n'est-ce pas? Mais j'ai pas eu ma table d'écartèlement. Elle est commandée. Je vais te faire une surprise. Elle est commandée, mais elle était back-order. Donc, tu sais, à cette heure, ces tables-là, ils font ça à la main. Hein, oui, bien, c'est sûr. Hein. Fait que, bon, ça va être fait par un artisan fort connaissant des tortures médiévales. Excellent. Et tu seras même le premier à pouvoir l'essayer. Cool. Bon, et c'est même moi qui vais l'actionner. J'espère qu'il y a de la rouille en masse dessus. Ah, ça va être horrible à souhait. Juste histoire de pogner une coupe de... Tu vas pas dire le tétanos. Oui, bien, c'est sûr. C'est mais de toute façon, toi, c'est pas toi qui attrape le tétanos, c'est le tétanos qui t'attrape. Donc, tu risques pas d'avoir grand problème avec ça. La seule chose qui risquerait de changer ta vie, c'est d'attraper un coup de propreterie, mais ça risque pas de t'arriver non plus. Ceci étant dit, on vient d'entendre à l'instant la première parution de ce premier bloc de cette première édition officielle du retour d'été, pour ainsi dire, parce que là, à part le fait qu'on devrait s'absenter pour les fêtes, on devrait être là pas mal tout le temps. On vient d'entendre la formation Creator, la pièce de Pestilence, celle qu'on retrouve sur Pleasure to Kill. C'est paru en 1986 sur Noise Record. Juste auparavant, nous avions Pestilence. La suite dans les idées. Oui. Et la pièce Malus Maleficarum, qui était l'introduction, et c'était suivi de Anthropomorphia, pièce d'ouverture de l'album Malus Maleficarum, qui est paru en 1988 sur Roadrunner. Et je pense sincèrement que je préfère encore cette séquence-là de Pestilence. Oui, que le nouveau. Oui, effectivement. Le nouveau, il, le dernier. Le dernier n'est pas très, très bon. L'avant-dernier était très bon. Là. Résurrection Macabre est excellent, mais le dernier est un petit peu... Nul. Ben, je dirais pas nul, mais disons inutile. Un peu comme Panzer Christ, là, disons, le dernier, c'est assez... Ouais, comment tu l'as trouvé? C'est ordinaire. Ouais, hein? J'ai trouvé que c'était tout à Paris. Ben, c'est comme Flesh God Apocalypse, là, le nouveau. Je l'ai pas entendu. C'est pas très bon. Ça. Non? Ben, moi, j'ai pas aimé ça. OK. C'est surproduit, t'entends rien. C'est une sursaturation musicale, c'est une bouillie sonore. Ah ouais. Il y en a qui vont trouver leur compte. C'est certain. Mais moi, je vais passer. Bon, eh bien, nous serons deux. Avant la formation Pestilence, c'était Death et la pièce Primitive Ways que l'on retrouve sur Leprosy. C'est probablement un des albums tight de cette formation, je dirais, qui a vraiment marqué là, la carrière du band, qui était, je dirais, très houleuse à certains moments parce que Monsieur Chuck était très instable au niveau de ce qui était son alignement de musicien. D'abord Slayer, auparavant, et Fleshstorm, pièce d'ouverture de l'album Christ Illusion, qui paraît en 2006 sur American Recording. C'est drôle, hein, parce que moi, quand j'écoute du Slayer, là, pis je sais pas si c'est juste à moi que ça fait ça, pis c'est juste vis-à-vis Slayer, mais j'ai beau écouter Haunting the Chapel, j'ai toujours l'impression que ça fait juste un an ou deux que c'est sorti. Oui, ben c'est ça vieillit très bien. Ouais, je trouve que c'est intemporel. Puis tu vois, Christ Illusion, ça fait quand même 2006, ben, c'est pratiquement 7 ans. Ouais, c'est ça. Ben, c'est signe de qualité, j'imagine. Et nous avions ouvert cette édition avec Sodom et la pièce S-O-D-O-M. Oh, ça fait quoi, ça? Oh non. Sodom. Tiré de l'album. Il faut qu'ils le disent en plus. C'est tiré du dernier album Epitome of Torture qui est paru en 2013 sur Steam Hammer, qui est un bon album, mais qui est du Sodom. Puis du Sodom, ben, c'est correct, mais ça se démarque jamais vraiment. Non, ça fait la job. Ça fait la job. Ce soir, on a plusieurs présentations pour vous. Sinistros en a lui aussi de son côté deux. Moi aussi, j'en ai deux. Je pense on doit dire qu'on a une émission chargée d'électricité et de violence musicale assez extrême. Par moment, ça risque d'être... Ça risque d'être assez, oui, tout à fait corsé et musclé. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu nous proposes et présentes? Ben, c'est deux formations suédoises, mes deux présentations. Pas à bas. Oui, je me suis fait prendre. C'est deux formations où il y a un des membres qui est dans les deux formations. Facebreaker, le chanteur joue de la basse dans Tormented. C'est deux formations qui sont assez dans le même gabarit. On sait que les Suédois, depuis quelques années, nous garochent des bandettes assez cool en pleine face. Ouais, généralement, c'est bien, ouais. Alors, Facebreaker ne fait pas exception à la règle. C'est un death metal comme j'aime dans ta face. Et non, dans la tienne. Oui, c'est ben dans nos faces. Okay. Hein, ou dans celle des auditeurs. Oui, c'est parce que c'est violent, la façon que tu dis j'aime dans ta face. Death metal comme j'aime dans ta face. Oui, moi, je sens rien. Fait que c'est du death metal comme j'aime dans ta face. T'as un gros sourire, tu sais. Death metal de clown. Un gros sourire gras. Oui, c'est ça. C'est okay. Death metal de clown. Oh! Alors, Facebreaker, un album qui s'appelle Dedicated to the Flesh, c'est paru sur Cyclone Empire. Est-ce que c'est le premier album de cette formation-là? Je pense que c'est le deuxième. Deuxième, d'accord. Ouais. Alors, on aura les pièces Meat Freak, Dedicated to the Flesh, Catacomb, Zombie Flesh, Cult, et ce sera suivi d'un autre groupe suédois que tout le monde connaît, Bloodbath. Bloodbath qui ont changé de chanteur, qu'ils ne l'annoncent pas encore. Ouais, mais je pense qu'ils n'ont pas le choix de faire ça, ouais. Je pense que Mike est beaucoup trop occupé. Là. La façon que j'ai cru lire en entrevue, ils vont laisser le statut aux fans le temps de digérer la chose. Okay. Parce que selon eux, le chanteur n'est pas nécessairement une figure connue du death metal. Donc, qu'est-ce que c'est? Dans la façon qu'ils disent, c'est qu'on va l'annoncer quand l'album va sortir. OK. Ben, j'espère que c'est pas Éric Lapointe, là. Parce qu'il est pas très connu dans le death metal, lui, ça là. Ça serait très plate, hein? Ouais. Mais d'après moi, en tout cas, ils disent on va laisser les fans laisser une chance aux coureurs. Donc, d'après moi, ils vont sortir style un single, là, puis sans annoncer c'est qui. OK. Tu pour aller voir la réaction des... C'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais que Bloodbath, de toute façon, Mike Akerfeld était dans le band, il était parti, il était revenu. Oh, ouais, c'est ça. C'était un side project pour lui. Là. C'était band second primaire. Il avait été remplacé par Peter Tadgren. Ouais. Tadgren, oui. Tadgren. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est correct. Là. Le band, musicalement, ça va rester probablement la même chose. Possible. Fait que ça sera à suivre. Mais tout de suite, allons découvrir Facebreaker. Pour ma part, je le découvre. Meat Freak tiré de Dedicated to the Flesh. Go! C'est parti, go! Eh bien, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette deuxième édition de la soirée de réanimation. Eh oui! Je suis toujours Dr. Pain, Pendragon. Est-ce que vous allez entendre après? Ben, c'est le sinistre gobelin. Eh oui! Vous venez d'entendre formation qui porte très bien son nom. Bloodbat, avec Slaughtering, The Will to Live. C'est tiré de Fathomless Mastery, qui est le dernier album jusqu'à présent de Bloodbat, qui est paru en 2008 sur Peaceville. C'est excellent. Et nous avons eu les briseurs de face. Ben oui. Facebreaker, le très bon nom de band qui fit très bien avec leur musique. Oui, c'est vraiment bien. Ça casse des gueules, comme on pourrait dire. Oui. On a eu l'album Dedicated to the Flesh avec les pièces Zombie Flesh Cult, Catacomb, Dedicated to the Flesh et la première fut Meat Freak. Ça a été sorti sur Cyclone Empire plus tôt cette année. Ben, c'est une belle découverte. C'est très bon. Oui. Bon, ben, la semaine prochaine. Hey, ben, salut. Bon, bonsoir. Non, c'est vrai, allez tous vous faire foutre. OK, bye. C'est une blague. On vous l'avait pas dit, là, mais réanimation dure 10 minutes. Ouais, mais on a fait de l'overtime, ça fait quasiment une heure. Donc, bon, c'est pour laisser ou le temps climaté, ou c'est ça. Ça ouais. Ou bien, c'est pour prendre l'avance les trois prochaines semaines, on sera pas là. Écoute, il y a des petits trucs intéressants qui s'en viennent au niveau musical, qui sont à sortir au courant du mois de septembre et du mois d'octobre. D'octobre. Le 30, vendredi, on sait que c'est la sortie officielle de Gorguts, l'album Colored Sand, dont on aura quelques extraits pour vous ce soir. Le 27 septembre, c'est le nouvel album de Vision Bleak. Ah, que j'ai entendu une pièce. Ben oui, ça va être ça. Vraiment bon. Ça Vision Bleak, cette formation avec cette espèce de hollow vampirique-là autour. Oh, oui, c'est vraiment. C'est très... Là, ça va parler de sorcière. Oui, ben en fait, le titre, c'est... Witching Hour. Witching Hour, okay. Voilà. Et le 27 septembre également, c'est la sortie du nouvel album de Eight Sphere, pour ceux qui aiment ce trash européen. Ils ont des bons albums, Eight Sphere, mais il faut dire que... Mais c'est en denti, pas mal. Oui, effectivement, je suis d'accord, c'est en denti. Le 29 octobre prochain, la nouvelle parution de la formation trash américaine Toxic Holocaust. Bah, s'il est toujours fidèle à lui-même, Joel Grind devrait nous sortir un très bon album. J'imagine. Il portera le titre de Chemistry of Consciousness, qui sera disponible, comme je l'ai dit, le 29 octobre sur Relapse Record. Les Américains également de Skeleton Witch et l'album Serpent Unleashed sera disponible sur Prosthetic Records le 29 octobre également. Celui-ci, par contre, en CD et LP. Les deux, contrairement à Toxic, qui sera seulement en CD. Et formation canadienne-québécoise, Montréalaise Cataclysm et la pièce Waiting for the End to Come sera disponible le 29 octobre également en CD et LP. Et le nouveau Insurrection aussi qui s'en vient bientôt. Nouveau Insurrection, effectivement. J'ai reçu ma copie digitale et je dois vous dire que c'est un très bon album. Différent, mais très bon album. C'est ça où je suis curieux de l'entendre, effectivement, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Côté cinéma, brièvement, parce que je reviens tout à l'heure avec une petite chronique au niveau de ce que j'ai écouté, je dirais, j'en ai pas écouté des masses, là, mais certaines choses fort intéressantes. le 4 septembre, c'est le remake de Riddick, Chronicles of Riddick. D'accord. Si, c'est ça, oui. T'as raison. C'est le terme approprié encore. Qui met encore en vedette Vin Diesel. Pour le vrai? Ben oui. Mais écoute, je sais pas si c'est un remake. C'est une suite? Ouais, mais écoute, une suite. On va faire un remake avec le même acteur, c'est quasiment ridicule. Je sais pas, mais si c'est une suite, là, ça fait longtemps que c'est paru. Là. Oh, ouais, c'est ça. T'en rappelles-tu de du film? Ouais, bon, ouais, je m'en rappelle pas. À peu près pas. Pas moins. Fait que, bon. Insidious 2, Chapter 2. Film d'horreur qui sera en salle le 13 septembre prochain. Insidious 1, c'était bon. C'était pas pire. Ouais. C'était correct. Tu écoutes, on a vu mieux, mais on a vu bien pire. C'était bon. Oh, c'était correct. Le 4 octobre, Gravity, avec George Clooney. Ça, George Clooney. Oui. Le 25 octobre, The Concealer. Ça, c'est un film qui n'est vraiment pas d'horreur. Ben, écoutez, allez voir sur le site de réanimation. Cliquez sur les icônes. Vous allez vous rendre sur le site officiel directement. Le 8 novembre, c'est Le Nouveau Thor. Ça risque d'être intéressant. Et je vous parlerai un peu plus tard de la chronique proprement dit. Cinéma de ce que j'ai vu. Ben, moi aussi, je vais vous en parler une coupe. D'accord. Donc, nous ferons des échanges d'appréciation, n'est-ce pas? Donc, de ce pas, retournons musicalement parlant, et cette fois-ci, c'est ma première présentation de la soirée. C'est un album d'une formation que, généralement, je trouve assez correcte, qui donne dans un gore death metal, à la rigueur, un petit peu grind, là. Il s'agit de la formation Exhum. La nouvelle parution de cette formation, Necrocracy, contrairement à la précédente, est parue à mes yeux et à mes oreilles surtout moins inaperçue, parce que l'avant-dernier, je l'avais trouvé comme un peu banal. Ben, c'est parce que c'est... Oui, ben, c'est ça. Tu sais, t'avais-tu vu avec nous ou... Non, Exhum, je ne les ai pas vus. Okay. J'étais pas là. Okay. J'étais pris avec... Mais là, un virus vraiment à plate. Je voulais absolument voir à voir que j'avais c'est manqué. Vrai. Et... C'est vrai, c'est ça. Ben, tu sais, le staff a changé un petit peu, là. C'est toujours quand même le guitariste chanteur, là, qui s'entoure principalement des mêmes musiciens, mais bon, le guitariste qui pétait les plombs, il est plus là. Non, non. Exhum, c'est une formation qui existe depuis quand même assez longtemps, qui, je dirais qu'il faut donner à César ce qui est à César. C'est une formation qui est assez honnête envers elle-même, puis assez constante. Ils ne font pas des accords, ils n'en font pas, ils n'ont pas inventé rien, ils ont amené une brutalité, une vitesse qui, généralement, je trouve intéressante. Et dans Necrocracy, je pense qu'ils ont ramené des éléments qu'ils avaient peut-être, à quelque part, un petit peu négligé dans le précédent, dans l'avant-dernier, dont j'oublie le nom, il faudrait que je vérifie. Mais quoi qu'il en soit, Necrocracy, j'ai retenu les deux premières pièces pour vous les présenter, soit Coins Upon the Eyes et The Shape of Death to Come, donc Exhum. Exhumed. Deux pièces tirées du dernier album, Necrocracy, soit The Shape of Death to Come, qui était précédée de la pièce d'ouverture, Coins Upon the Eyes. D'ailleurs, tu sais ce que ça veut dire, ça, mettre des... coins, c'est des 25 cents. Les 25 cents, ça, c'est pour payer le passeur. Et voilà, ça a été cultivé, finalement. Ben oui, j'essaie. Ouais. Bon, c'est ça. Ne manquez pas la 13e édition de Trois-Rivières Metal Fest, qui se tiendra à la bâtisse industrielle. Encore cette année, située au 1760 avenue Gilles-Villeneuve à Trois-Rivières, et qui se commettra les 11 et 12 octobre prochains, soit un vendredi et un samedi. C'est un spectacle qui est pour tous. Les portes ouvriront à 17h et les spectacles débuteront à 18h. En ce qui concerne le prix des billets, pour y avoir accès, c'est 35$ par soir ou 60$ pour le forfait deux soirées. Vous pouvez aller sur le site de trois-rivières-metal.com pour avoir toutes les modalités pour vous procurer les billets et endroits où vous les procurez parce que vous pouvez y aller par PayPal via le site. Les informations que nous pourrons voir, parce que je dis nous y serons probablement, n'est-ce pas? Ben, c'est sûr. Bon. Eh bien, tant qu'au vendredi 11, on pourra voir les formations. Ben, en fait, justement, je veux que tu puisses compléter cette information parce que il y aura ce week-end au stage le Metal Academy spécial Trois-Rivières avec Ordox, Outlying, Satanic, Glow Sniffers. C'est au coût de 10$. C'est au Rock Café le stage ce samedi 31 août. Voilà. Et dans le cadre de ce concours Metal Academy, bien le gagnant, celui qui sera le finaliste. Oui, mais là, il y a eu, mettons, la portion death, la portion trash, la portion core, la portion black symphonique. Là, il y a la portion Trois-Rivières. Là, ils se disputent des... Oui, ben c'est ça, t'as des finales, c'est des semi-finales. Et le gagnant de tout ça. Ben, aura le loisir et le plaisir d'ouvrir le Trois-Rivières Metal. Voilà. Donc, le nom n'est pas encore annoncé, mais ça ne serait tardé. Donc, vous pourrez avoir les formations officiellement Haunt Human, évidemment, précédé du gagnant de Metal Academy, formation Hollow, Beyond Creation, Blackguard, Jungle Rot, Vivod et Suffocation. Et tant qu'au samedi 12 octobre, vous pourrez avoir les formations suivantes, soit Hear My Words, Insurrection, Battlecross, The Acacia Strain, Shadows Fall, et Obituary et Hatebreed. Donc... pas manquer, n'est-ce pas? Bien évidemment. Il y a quand même pas mal de bons noms intéressants, là. Puis il y a bien des bands en ce qui me concerne, moi, que j'ai pas vu comme Voivod, j'ai jamais vu ça. Mais on connaît rien, je connais pas ça. Moi non plus. Ça a l'air que c'est bon. C'est quoi ça, ce band-là? C'est un band. Ah? Je pense que c'est un band de folklore. Je pense que oui. J'entends pas de ça. Je dis ça, là, mais ils sont probablement en veille d'embarquer dans le folklore mythique du métal, là. Parce que c'est une formation quand même qui, tu sais, écoute, quand c'est marqué Canadian Legend, là, c'est pour quelque chose, là. Non, mais Suffocation, j'ai jamais eu le loisir de les voir. Moi non plus. Jungle Rot, ça avait été vraiment cool. Oui, ça, c'était très bon. Obituary, je les ai jamais vus. Moi non plus, j'ai jamais vu Obituary, j'ai jamais vu Hatebreed non plus. Insurrection, oui, on les avait quelques reprises. Battlecross, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. Ben, live, oui. Même si le dernier album m'a laissé un peu perplexe. Moi aussi, j'ai préféré le premier entre les deux, mais bon. Mais il y a des choses qui vont être fort intéressantes dans tout ça. Et puis, c'est une tradition, le Metal Fest. Donc, soyez-y, mesdames, messieurs. Un gros party. Ben oui, absolument. Ceci étant dit, il y aura d'autres annonces de spectacle tout à l'heure. Évidemment, on ira vers la portion BCI. Mais pour l'instant, t'es rendu à ta deuxième présentation de la soirée. Eh bien oui, autre formation suédoise qui renferme le chanteur de Facebreaker, mais à la basse. Le groupe, c'est Tormented. Ils ont sorti un album sur Listenable Records qui s'appelle Death Awaits. Death Awaits. Alors, on va entendre les pièces Death Awaits, Blood Orgy, IOTD et Insane with the Red. Ça sera suivi d'une autre formation suédoise qui donne dans un death trash très technique qui s'appelle Tribulation. D'un chinois en Chine. Non, d'un chinois en Chine, c'est ça. Les tribulations d'un chinois en Chine. Alors, allons-y tout de suite. Tormented Death Awaits. Go! Sinistros. Et on vient d'entendre Tribulation, formation suédoise avec une tune qui s'appelle Spectre. C'est tiré de The Formulas of Death qui part en 2013 sur Invictus Productions. Et on a eu Tormented avec l'album, la présentation de l'album Death Awaits. On a entendu les pièces Insane with the Red IOTD, Blood Orgy et Death Awaits. C'est tiré de l'album Death Awaits qui est paru en 2013 sur Listenable Records. C'est un autre band qui m'évoque un petit peu Entombed. Bon, oui, ben c'est dans la peu traduction du Death suédois. Death, un petit peu Death and Roll. Oh, ouais, c'est ça. Death Trashy, un peu, c'est bon. C'est bien correct. Bon. Même le vocal est un peu évocateur. Oh, c'est peut-être, ça. Écoute, ils sont peut-être tous de la même famille, les autres-là. Là. Ben, ils brident tout ensemble, les autres. C'est tous des blonds aux yeux bleus. C'est beau, j'imagine, oui. C'est pas très stéréotypé, ça, hein? Il est 20h38, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, des Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM, ici la Radio Campus de Trois-Rivières, et ce jusqu'à 11h. J'ai vu un sacré bon film. Tu vas aller jusqu'à 11h? Non, 10h. Ouais. C'est vrai, avant c'était 11h. Tu veux te rendre jusqu'à 11h, okay. On va te laisser aller jusqu'à 11h. Ben, c'est vrai, je suis passé dans une vague temporelle. Moi, je pense pas aller mouffer. C'est vrai que c'était notre. Hey, c'est fait quand même. Très longtemps. Ben oui, c'est notre ancienne horaire. Bon, ouais. Écoute. Je préfère de loin celle-ci. Oui, c'est correct. C'est jusqu'à 10h. Je corrigeons le tir. Je suis allé voir tout un bon film le week-end dernier. Un film extraordinaire. Je suis allé voir Star Trek Into Darkness. C'est toujours. C'est la suite du premier Star Trek. Qui a été réalisé aussi par J.J. Abrams, qui met en vedette Chris Pine, Zachary Quinto et Carl Urban. Et c'est, si on veut, comprendre comment l'équipage de l'Enterprise, USS Enterprise, en est arrivé à ce qu'ils ont été, quand, pour ceux qui se rappellent de la série des années 60, mais aussi des films qui ont été faits dans les années 80. Ça n'a pas vraiment de connotation avec les séries Deep Space Nine et compagnie, là. Ben, en fait, peut-être oui, mais de loin. Mais c'est un très bon film. Le premier, je pense que tu l'avais aimé. Oui, oui, excellent. Il était vraiment excellent. Et je te dis que le deuxième est, selon moi, supérieur. C'est un film intelligent. C'est un film où il y a beaucoup d'action, mais c'est bien ficelé, c'est bien noué. Et le jeu des acteurs est vraiment extraordinaire. Ben, Zachary Quinto. Qui joue le rôle de M. Spock. Et encore un petit caméo avec Leonard. Dis-le pas. Mais j'étais juste qu'un petit caméo avec lui. Comme dans le premier. Mais c'est vraiment très, très bien mené. Le scénario est vraiment cool. Et puis, comme je te dis, c'est un film dans lequel les amateurs de science-fiction, les amateurs d'action, les amateurs, je te dirais, quelque part, un peu d'intrigue, vont se retrouver parce que c'est un très bel amalgame de tout ce genre de cinéma mis dans une imagerie qui est absolument hallucinante. Là. Fait que moi, honnêtement, J.J. Abrams, je pense que c'est quelqu'un de très, très bon au niveau de ce qui est cinéma et télévision. Bon, on fera abstraction peut-être d'Alcatraz ou ce qui l'échappait un petit peu, mais ben, bon. Il l'a pas essayé d'échapper tant que ça, parce que la suite, elle promettait, tu sais. Ouais, ben, disons que sa première saison, c'était lent un peu. Ben, c'était lent, oui, mais Fox aurait pu donner une petite chance aux coureurs. C'est l'argent qui mène. Ben, c'est ça. Mais pour le reste, moi, écoute, Fringe, c'est vraiment hot. Oui, Fringe, saison 5, qu'on a écouté, que j'ai écouté la semaine dernière, qui boucle la boucle de façon admirable. Oui, c'est bien. J'avais des petits points qui m'avaient achalé un petit peu dans la dernière saison, la saison 5 de Fringe, mais quand même, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça, là, que c'était une très bonne finale, et j'ai trouvé que l'ensemble des saisons était fort intéressant. Oui, c'est une série, selon moi, qui va rester dans l'histoire de science-fiction. Je pense que oui. Je pense qu'elle a marqué suffisamment. Oui, oui, oui. Et quand il avait produit de cela quelques années la longue série de 6 saisons de Lost, il avait été quand même très innovateur là-dedans. On s'entend que rendu à la 5e, 6e saison, on commençait à se demander où ça en allait, là. Mais je veux dire, c'était quand même très captivant. C'était bien mené. Donc, c'est quelqu'un qui a ça, là. C'est un talent qu'il a. J'ai hâte de voir ce qu'il va réussir à faire avec Star Wars. Je le sais pas. Ouais. D'ailleurs, il va y avoir un nouveau Star Trek qui va sortir, notre troisième qui est prévu, je pense, c'est pour 2015. Je vote pour ça. Ah oui, absolument. C'est vraiment très, très bon. J'ai donné un 9,5 sur 10. Excellent. Disponible Blu-ray, DVD le 10 septembre. J'ai pas écouté grand-chose d'autre parce que j'ai principalement rien fait. Ben, moi, j'ai écouté Oblivion. Mais comment t'as trouvé ça? Ben franchement, ça aurait pu être très bien comme film. Ça, oui, je suis d'accord avec toi. Les sauf éléments que, étaient là. Oui, tout était là, tout était parfait. Sauf que celui qui a dirigé le film, il s'est mis le doigt dans l'œil ben comme faut. C'est très mal dirigé. À un moment donné, tu te dis, voyons, c'est donc bien prévisible, là. J'ai trouvé que c'était un film qui était très simpliste. Ben, simpliste, pas très bien dirigé, parce que tu vois que les acteurs savent pas trop ce qui s'enligne. Et pourtant, c'était pas n'importe qui. Non, c'est l'acteur chevronné, non, là, non, tu sais. Non, c'est pas n'importe qui. Ouais. Mais tellement prévisible, mais prévisible. Puis la fin, ben regarde, ça c'est mon coup de masse total. Oui, la fin est vraiment poche. Oui, effectivement. Puis moi, honnêtement, je te dirais que quand j'ai écouté ce film-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Je l'écoute-tu en entier ou non là? Ben moi, j'ai tout écouté. Moi aussi, mais ça m'amenait nulle part. Ben c'est parce qu'à un moment donné, tu... Ah, OK. Je le savais. Ben ah. C'est ça. Quoi, moi, comment tu y donnes à ce film-là, toi? Bon, 4. Ben, tu vois, 4, j'étais 4, plus... 5, mettons. J'ai donné un 5,5. Bon. Fait que j'ai été un peu plus généreux que toi, mais j'ai pas vraiment apprécié le film. Je l'ai pas détesté, mais je l'ai pas vraiment apprécié. Comme je le disais, j'ai pas écouté énormément de choses parce que j'ai principalement écouté beaucoup plus de musique là, dans les derniers temps. Par contre, dans la petite chronique à revoir ou découvrir, je vous incite à aller voir The Curse of Frankenstein, un film de la Hammer qui met en vedette Peter Cushing et Christopher Lee. C'est la saga qui est exploitée par la Hammer, la fameuse Hammer Production là, de Grande-Bretagne. Avec deux grandes icônes du film d'horreur. C'est un film de Jimmy Sangster. Puis c'est un film de 1957. Mais la beauté là-dedans, c'est que la Hammer produisait des films qui étaient tous principalement très gothiques, très subjectifs, avec une ambiance d'éclairage qui était absolument hallucinante, mais avec un jeu de comédien. En fait, le scénario était basé sur les comédiens, ben, sur les acteurs. T'as deux pointures, là. Écoute, tout à fait. Peter Cushing, Christopher Lee, donc... Absolument. Puis c'est évidemment, c'est le mythe de Frankenstein du Prométhée remanié à la sauce hammerienne, si on peut dire. Donc, c'est un excellent film. Moi, je donne un 8,5 là-dessus. Et puis, écoute, c'est Peter Cushing, Christopher Lee, puis c'est des icônes. C'est cela. Ceci étant dit, nous allons continuer musicalement avec cette fois-ci deux formations qui donnent dans un style ballet jazz. Ah, c'est le fun. Ça. Ouais. Ben, pas tant que ça, finalement. Je te verrai avec un beau petit tutu rose, avec les oreilles de Mickey Mouse. Des beaux foulards, oui. Tout ça, oui. Pas moi. Pas moi. Non, fait que ça, non, finalement, c'est vraiment pas ça. On va y aller avec une formation qui s'appelle Septic Flesh. Et la pièce est en Persepolis, que l'on retrouve sur Communion. Septic Flesh. Go. Thank you. 20h. Non, 21h. Ça vient de changer. Vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show. Et ce, jusqu'à 22h. On vient d'entendre à l'instant la formation de Project 8. 1992. 1999. Oh oui, et non. Love Balloon. Et la pièce à The Entrance to Hell's Unholy Fire, qui est la pièce d'ouverture de l'album Armageddon March Eternal, qui est paru en 2005. C'est un de mes préférés de cette formation assez particulière et assez bizarroïde dans mon avis. Qui mettent en scène principalement le leader Lord Keith Phillipson. Juste auparavant, nous avions la très bonne formation Septic Flesh et la pièce Persepolis que l'on retrouve sur Communion, qui est parue en 2008 sur Season of Mist. Et cette pièce, comme Sinistros me le faisait remarquer hors onde, fait très film d'horreur. Oh oui! Oui, c'est une ambiance tout à fait digne des films d'horreur dont je parlais tout à l'heure, entre autres de la Hammer. Ceci étant dit, les spectacles à venir côté BCI... Lundi le 16 septembre à 20h au Foufounes électriques, c'est Anathema en compagnie de Alces et Mammifer. Je connais pas ce band-là. Moi non plus. Ben, je connais les mammifères. Là. Oui, mais juste avec le nom de band, ça fait comme... Ouais, c'est bon, ça m'inspire plus ou moins. Bref, c'est au Foufounes électriques, comme je le disais, le 16 septembre à 20h. Il en coûtera 20$ et 25$ taxes incluses pour y assister. Réseau GTN. Le lundi 7 octobre au Club Soda, en vente bientôt pour les billets, c'est-à-dire en vente bientôt, bien sûr, pour voir Layside, Broken Hope, Disgorge et Necronomicon. C'est à 19h. Club Soda, en coûte 25 et 22 et 30 et 43 plus taxes. C'est pour tous. Et Hailstorm sont accompagnés de Trollfest et Gypsy Hawk le samedi 30 novembre prochain à 20h au Club Soda, coût de 23$ et 29$, taxes incluses pour tous, disponible à la billetterie du Club Soda. Ceci étant dit, qu'est-ce que tu nous réserves comme insanité? Un spécial Zest Metal. Zest Metal. Oui, c'est du citron métal. C'est un musicien là-dedans qui portait le nom de Keith. C'est Jean Lennon. Jean Lennon. C'est quand les Français me font rire, Keith, c'est Keith. Keith. Keith. Keith, Alexander Keith. Qu'est-ce qu'on va entendre? Eh bien, du Eternus, on va entendre Hemon, Dominion, Sorcery, Despise and Conquer. Alors, allons-y tout de suite avec Eternus, une pièce qui s'intitule The Confusion of Tongues. C'est tiré de l'album And the Seventh is Soul Detested, séparé en 2013 sur Dark Essence Records. Go! 21h25. Eh bien, Despise and Conquer avec la pièce Fear My Thoughts. C'est tiré de l'album Invasion qui est paru en 2012 sous étiquette indépendante. Indépendante? Oui, teinte indépendante. Sorcery, Master of the Chains, tiré de l'album Arrival at Six de 2013 sur Extreme Music. Phenomenon, Hell Witch, tiré de l'album The Cleansing en 2012 sur Dead Chasm Records. Amon, le fameux band pré-Decide et post-Decide finalement. Nous aussi. Aussi. Lave ta langue puis vomis des des mensonges. Lash Tight Tongue and Vomit Lies. Lash Tight Tongue and Vomit Lies, tiré de Liar and Wait, c'est paru en 2012, également sous étiquette indépendante. C'est un très bon, très bon album. C'est un bon album. Eternus avec The Confusion of Tongues. Oh, Lash Tight Tongue. Oh, un petit jeu de langue ici. Ben ouais. Hein. C'est tiré de l'album And the Seventh Soul is. And the Seventh is Soul Detested de paru en 2013 sur Dark Essence Records. C'est bien cela. En ce qui me concerne, c'est fini! Salut! Salut! Bye! Bon temps! Qu'est-ce que tu fais? Oh, on est parti. Enfin. Maintenant, déblatérons sur le code Sinistros. Oh, il est encore là! bon, 21h26, évidemment, il en reste moins qu'il en restait à faire, c'est-à-dire qu'il reste à peu près, je dirais, 33 minutes, 30 secondes ou 20 secondes. Mais suffisamment de temps pour aller explorer ce que j'ai tellement hâte de vous présenter, qui est la dernière parution de formation. Écoute, je dois dire formation québécoise, oui, parce qu'on parle tout de même de Luc Lemay, qui est le leader, l'instigateur de cette formation-là. Mais maintenant, principalement, ce sont des musiciens américains, entre autres le batteur et le drummer d'Origin aussi. Oui, c'est ça. Je parle de Gorguts, évidemment. J'ai pas l'album en entier, bien entendu. C'est un advance que j'ai pu avoir. On va entendre trois pièces, mais moi, là, j'ai été vraiment emballé parce que j'ai entendu. Vraiment, vraiment emballé parce que j'ai entendu. L'album porte le titre de Colored Sands. Il est sous l'étiquette Season of Mist, ce qui est très bien aussi, qui va assurer probablement une très bonne distribution d'albums. Et je pense que pour les amateurs du band, qui a toujours été une formation très particulière dans un death metal très expérimental et, je dirais, très hyper technique aussi. On retrouve, en fait, deux, je dirais, principalement deux atmosphères, autant très death brutal technique que... C'est très planant. Très planant aussi, entremêlé en tout ça. Je trouve que ça fait un excellent mélange. Ben, c'est bon pour faire le ménage aussi. Ça peut être bon pour faire le ménage. Mais tu pars pas à balayeuse, par exemple. Non, effectivement pas. Donc, on va entendre respectivement Le Toit du Monde, An Ocean of Wisdom et Forgotten Arrows, Gorguts. C'est assez puissant, merci. Eh oui. Quelle originalité, je dirais, quelle... comment je pourrais dire ça? Quel playing en bon français. J'ai trouvé ça extraordinaire. On va entendre Forgotten Arrows, évidemment de la formation Gorguts. C'était précédé de Ocean of Wisdom. Et en début, en ouverture d'album, finalement, c'est le, ben, je présume, le Toit du Monde, qu'on le retrouve sur ce qui est à paraître ce vendredi le 30, c'est-à-dire l'album Colored Sands. La formation québécoise Gorguts, et ça paraîtra sur l'étiquette Season of Mist. Moi, je suis absolument enchanté. Ben, j'ai hâte d'entendre au complet. Alors, absolument, tout à fait. Si c'est comme ça, là, honnêtement, moi, ça va me valoir un 10 sur 10. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Puis ça va être dans mes top 10 de 2013. Ça, c'est sûr. Regarde, je pense que ça valait amplement d'attendre 12 ans avant que ça revienne. Ah oui. 21h49, la semaine prochaine, nous y serons. On va essayer de faire différent des dernières semaines, là, puis de ne pas être là, puis d'être là, là. On va être présent. Je n'ai pas vraiment de quoi de particulier de prévu pour la semaine prochaine. Quelques présentations d'albums, dont le nouveau Revocation. OK. Moi, j'ai pas de présentation la semaine prochaine. Je vais avoir. Je pense que je vais me préparer un bon petit bloc. Old School Heavy Metal. C'est bien. En ouverture. Mais j'aurai pas de présentation particulière. Toi, Revocation? Ouais, nouveau Revocation. Est-ce que c'est bon? Ben, je pense que la boucle commence à se boucler. Là. Ouais. C'est pas mauvais, là, mais ça commence à sentir le trend un petit peu, là. Ah oui? Ouais. C'est quelième album, ça? 5e ou 6e, je pense. Ah, ouais. Ben. Ben, ça commence à sentir le la légère senteur core, là, tu sais. Ah ouais. Tu sais, okay. C'est une petite senteur de. Ils veulent peut-être essayer de se rafraîchir parce que, ben, tu sais, le trash, on fait le tour vite, là, quand même. Ben, c'est à un moment donné, là. Ouais. Disons que l'essence est légèrement épuisée, je crois. Ben, ça sonne comme un band qui veut. Qui veut prendre une tangente. Ben, qui veut prendre une tangente de monter de quelques coches. OK. Tu sais, on prend la voix un petit peu plus. Un petit peu plus commerciable. Ouais, un petit peu plus trendy. Hein. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Déjà, en partant, t'as une pochette très, très passe-partout. T'as un album qui est self-titled. OK, ouais. Ben, en ce qui me concerne, ça serait pas souhaitable, mais bon. C'est eux autres qui c'est le laissent. C'est des choses qui peuvent arriver. Ben oui, tout à fait. C'est pas mauvais, là, mais... Mais c'est pas ça. Il y a des petites passes un petit peu agaçantes. Ouais. Ben, pour les gens qui aiment le core, tant mieux. Pour ceux qui aiment pas ça comme nous autres, ben tant pis, hein. On va se laisser sur à peu près 2 pièces, j'imagine. Je pense qu'on va être bon pour les passer. On va entendre la formation Samael, la pièce My Savior, que l'on retrouve sur Passage, de 1996. Et pour clore le tout, quelque chose d'un petit peu plus musclé, Fear Factory, la pièce Act of God, que l'on retrouve sur Archetype, de 2004. Ah, ben peut-être que je vais faire un spécial Fear Factory la semaine prochaine. Ça se peut. Je pense à ça, là. Puis il vient de décider ça, là. Ouais, ouais, moi, regarde, c'est comme ça, ça se décide. Ah, d'accord. Bref, 2 pièces à Mael, Fear Factory. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, allez tous vous faire foutre. Go!